purple rain, a purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Yeah. Putain, tu joues aussi bien que Prince. Y a pas photo, y a pas de différence. Sauf que lui, il est mort. Yeah. Sweetest Tracker. A summer rare, a summer night, a summer rare. Summer night, summer rain, don't we get to know one? Suivante. Ah non, mais c'est que j'avais baissé son curseur, merde. Putain, je t'entendais pas.